suivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Le nourrisson était né à terme, un peu poupin, certes, mais d'un tempérament fort jovial. L'encrier couleur 3 n'était pas si éloigné. Depuis, la chose a évolué, varié, bref, a continué. Merci de votre écoute, de votre fidélité et bon été à tous. Rendez-vous à la rentrée. Les jeunes filles se dévoilèrent, enlevèrent leurs foulards multicolores, dénouèrent leurs chevelures et se mirent à sangloter en se griffant le visage comme une coutume antique en a formé l'instinct lorsque surviennent de grands malheurs. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Qui dit jeune dit innovateur. Donc quand un roi est jeune, peut-être qu'on attend de lui son côté innovateur, son côté subversif, qui va faire évoluer les choses. Mais apparemment, jeunesse ou vieillesse, il n'y a pas trop de changement. Du protectorat à l'indépendance, cette semaine, la destinée d'Hassan II, roi du Maroc, naissance et épanouissement d'une démocrature. L'armée est fidèle à son roi et la situation est normale et tous les comploteurs ont été arrêtés. Bonjour. Cette semaine, une nouvelle destination, le Maroc. À la disparition d'Hassan II, Mohamed VI hérite d'une politique fortement contrastée entre la réunification modernisatrice d'un pays disloqué, réunification dont il eut très vite l'idée fixe, l'incontestable rayonnement sur le plan international de son pays, la qualité de relation qu'entretenait le roi du Maroc avec la plupart des dirigeants internationaux. Mais il y a aussi sur le compte du Maroc des prisonniers politiques par centaines, la torture, la censure, la corruption. 38 années de pouvoir offriront à Sa Majesté le roi Hassan II la possibilité de bâtir une fortune non négligeable, l'ensemble de la population vivant avec moins de 70 francs par mois. Depuis sa venue au pouvoir jusqu'à la maîtrise, plus que critiquable, de sa politique intérieure, en passant par les attentats, les relations du Maroc avec les autres pays arabes et aussi et surtout les relations plus que troublées avec la France, nous évoquons cette semaine la destinée d'Hassan II grâce aux archives sélectionnées cette semaine par Josette Souillot. Chapitre 1, de la mosaïque au protectorat. Une fois encore, il nous faut remonter le temps, mais pour commencer en une époque où l'enregistrement sonore relevait la plupart du temps de l'expérience laborantine. C'est en effet au début du siècle qu'il nous est possible de prendre la photo d'un Maroc semblable à ce qu'il fut des siècles durant en arrière. Le roi qui règne alors, le grand-oncle d'Hassan II, porte à la fois un drôle de nom, Moulay Abdelaziz le Fol, et en fait de Maroc, il règne tout au plus sur une petite portion de territoire, la région de Fès. Le reste du pays est déchiré, découpé, suivant des pointillés inexorablement voulus par les toutes-puissances européennes, l'Espagne, la France et l'Allemagne. Dans ce Maroc éclaté surgit une figure particulière, un militaire venu de sa lointaine Lorraine, féru de monarchisme, un certain Louis-Hubert Lyautey. Lyautey, après une formation des plus classiques à Saint-Cyr, diverses missions pour le Tonkin ou Madagascar, débarque un beau jour au Maroc, avec un rêve, rétablir une monarchie apparemment définitivement perdue pour la France. Lyautey développe à partir de là, avec un évident sens stratégique, une mission de pacification accompagnée cependant d'une politique de répression systématique de tous les soulèvements. Il faut montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir, telle était la devise de Lyautey. Il montrera sa force, mais en vérité, n'hésitera jamais à s'en servir. Lyautey, proche de l'islamisme et respectueux de la personne du sultan, commandeur des croyants, opère une confiscation des territoires, désireux d'établir une situation d'unification. Situation voulue par lui transitoire. Ce protectorat, pour trouver son équilibre, doit avoir le soutien d'un monarque, pas trop regardant et suffisamment docile aux yeux de la France pour qu'il ne vienne point trop freiner les objectifs français. Chapitre 2. mise en place d'une lignée. On va donc dénicher un jeune garçon de 17 ans, inodore, incolore et sans saveur, incolore jusqu'à la transparence, qui doit a priori correspondre le mieux. Ainsi commence en 1927, dans un coma politique profond, comme l'écrit Jean Lacouture, le règne de Sidi Mohamed Ben Youssef, alias Mohamed V, le père du futur Hassan. Dans ce pays aux belles apparences, aux récoltes abondantes, ce Maroc utile offre toutes ses richesses, des phosphates aux oranges. Tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis survient la Seconde Guerre mondiale et soudain le pays dominateur, la France, est à son tour écrasé dans la défaite. L'acte d'opposition à la France de Vichy, le plus marquant pour le Maroc, est sans doute celui de refuser d'accoler l'étoile jaune aux nombreux séfarades vivant dans le pays. Mais un jeune homme est déjà là. Il est là auprès du roi Mohamed. C'est son fils, amateur de voitures décapotables et d'aventures libertines. Cependant, en cette période de décolonisation sanglante, la situation du protectorat est loin d'offrir des conditions de sécurité absolue. Face à une mosaïque féodale, le pouvoir est réduit à une fragilité des plus absolues, soutenue mais pour combien de temps encore par un protectorat sur le déclin, sous la menace multiple des guerres tribales, de la revanche possible vis-à-vis du protecteur, de la guerre civile, de la dissociation tribale, comment s'apprête à ressurgir le pays. Le 26 février 1961, le roi se meurt, et c'est son fils, le prince héritier Hassan, qui l'annonce. Louange à Dieu, au peuple fidèle, ce jour, à 16h30, s'est éteint Sa Majesté Mohamed Ben Youssef. En ce moment tragique de notre histoire, je suis certain que ta douleur n'est pas moindre que la mienne, et que mon désespoir ne saurait dépasser ton désespoir. Mais je sais que les uns et les autres nous trouvons dans l'amour qui nous unissait tous autour de notre Père bien-aimé, dans l'adoration que nous lui portions et dans les 1000 exemples de sa vie, petits et grands, nous trouverons cette consolation qu'apporte le malheur partagé par tout un peuple. En réalité, et si cela pouvait en quoi que ce soit diminuer notre douleur, qu'il nous suffise de savoir que notre deuil n'est pas seulement le nôtre, il est celui du monde arabe, du monde musulman et de toute la communauté internationale. Dieu bénisse la mémoire de Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef. Et Dieu puisse nous donner à nous tous la force de supporter sans fléchir le coup terrible que cette perte nous cause. Les femmes à l'heure, les jeunes filles se dévoilèrent, enlevèrent leurs foulards multicolores, dénouèrent leurs chevelures et se mirent à sangloter en se griffant le visage comme une coutume antique en a formé l'instinct lorsque surviennent de grands malheurs. C'est un immense malheur qui frappe aujourd'hui le Maroc, au moment où ce peuple avait le plus profondément besoin de son roi. Celui-ci a lutté pendant 3 heures contre la mort. 10 médecins se sont penchés sur son chevet, ils ont massé son cœur, fait des injections appropriées, branché même sur le cœur du roi un incitateur électrique qui le fit rebattre, mais trop tard. Les effets irréversibles de la mort s'étaient déjà manifestés au sein des centres nerveux. Le souverain rendit son âme à Dieu à 15h30 GMT. Une semaine plus tard, le prince Moulay Hassan devient ainsi le successeur de Mohamed V et prend place sur le trône royal, où il prononce son premier discours de monarque. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, Shaban al-Aziz. Ce discours porté sur 3 points. Tout d'abord, la promesse faite devant Dieu et à son peuple de protéger l'intégrité du royaume. La promesse de poursuivre l'œuvre commencée par Mohamed V. Enfin, une invocation à Dieu, demandant au Très-Haut de le guider et de l'éclairer dans l'accomplissement de sa mission et le priant de veiller aux destinées de son peuple. Il est maintenant 12h45, les trompettes d'argent du palais annoncent à la foule massée sur le méchoir, 200 000 personnes environ, annonce que le carrosse dans lequel le roi du Maroc vient de monter va sortir du palais. Le souverain, vêtu de sa djellaba blanche et du turban blanc de commandeur des croyants, est assis dans le carrosse laqué rouge et vert aux dorures resplendissantes sous le soleil implacable. En face de lui, sa jeune sœur, la plus petite, la princesse Lala Ayamina, vêtue d'un court manteau blanc, sa chevelure noire retenue par un ruban. La foule acclame le nouveau souverain, tandis que les six chevaux, aux sabots dorés, avancent où, pour la première fois, le roi Hassan II va présider la prière du vendredi. Comme l'Algérie et ses convulsions sanglantes paraissent éloignées en ce mois de mars 1961. Et pourtant, les plus grandes incertitudes planent autour de ce jeune roi. Sera-t-il à la hauteur de sa tâche? Combien de dangers le menacent? Hajja Hamdouya est la première cheikhate à avoir transformé le chant dit « Aïta », le cri, et avoir incorporé des textes licencieux dans ce genre traditionnel campagnard du début du siècle. Sa carrière la fit voyager dans tout le Maghreb et dans le monde arabe. Elle est considérée comme une référence du genre. Hajja Hamdouya chante « Chika Chika ». ودرنا ميعاد في الرباط درنا ميعاد في الرباط ووهران والرباط وهران والرباط جزائر والرباط جزائر والرباط وركبنا في ديك الفياض وركبنا في ديك الفياض او قلنا العهد ما يخونا الكوينها ويلي يلي وعلاش تقلب هذاك الوليد ياكلا باش لاباس علاش تقلب هذاك الحبيب ياكلا واهلا واه هو صاح فراسي اليوم Chica, chica, chica. Olé! ودرنا ميعاد في النويل درنا ميعاد في النويل ودرنا الميعاد في النويل درنا ميعاد في النويل ودرنا هذوك الفعيل ما درناش هذوك الفعيل او قلنا العهد ما يخونا البالي نها ويلي ويلي وعلاش تقلب هذاك الوليد ياك لاباس لاباس علاش تقلب هذاك العزيز ياك لاواه لاواه علاش تقلب هذاك الحبيب ياك لاباس لاباس يا خونا يا خونا بغيدا وسونا الخضر عيب Chica, chica, chica. وخويك غادي الجديدة خويك غادي الجديدة وهران وجديدة وهران وجديدة مستغالم وجديدة مستغالم وجديدة بشر وجديدة بشر وجديدة فرندة وجديدة فرندة وجديدة ولقاوها جاية فريدة لقاوها جاية فريدة والحنة فيدها جديدة وشواربها يوردوا العطشان هذيك لالة ويلي ويلي وعلاش تقلب هذاك الوليد ياك لاباس لاباس علاش تحوص هذاك الحبيب ياك لاواه لاواه هو صاح فراسي اليوم تشيكا تشيكا تشيكا Chapitre 3. Après Mohammed le taciturne, Hassan le Casanova. Hassan a succédé à son père Mohammed V. Mais c'est la surprise. Celui en qui on ne voyait qu'un playboy superficiel se révèle très vite être un redoutable héritier. De la siasia, l'art de faire de la politique en prenant en permanence la diplomatie afin de traverser tous les courants contraires, Hassan, lui, va orienter le régime vers la hakouma, autrement dit vers l'autorité. Le socialisme tiers-mondiste si en vogue à l'époque ne franchira pas les frontières du pays, foi d'Hassan. Renversement dans les habitudes politiques et les institutions du pays, Il prend la tête du gouvernement, instaurant ce qu'il appelle le régime présidentiel dans le cadre de la monarchie, en n'oubliant pas au passage le titre de commandeur des croyants. Ce que plus d'un souverain a sans doute rêvé et parfois réalisé, Hassan le met en ordre et en place dès le début de son règne. L'unité de l'Église et de l'État, en l'occurrence la réconciliation entre l'islam et la modernité. La priorité des priorités est l'unité, qu'elle soit territoriale, ethnique ou politique. Dans son implacable application, l'unité fait dès lors un certain nombre de victimes. Mehdi Ben Barka, son ancien répétiteur de mathématiques devenu le plus tenace de ses opposants, exilé en France, est enlevé, puis assassiné à Paris, avec la complicité prouvée du ministre de l'Intérieur marocain, le général Oufkir. Cette affaire va geler pour 2 ans les relations franco-marocaines. Mais Hassan II, s'il muselle du plus qu'il le peut toute forme d'opposition, n'est lui-même pas à l'abri des retours de manivelle. Nous arrivons au mois de juillet 1971. Chapitre 4. Un happy birthday tragique. Le domaine royal de Skhirat s'étend sur 3 km au bord de l'Atlantique, à quelques kilomètres de la capitale marocaine. Le palais, qui est longé d'un golfe, est en fait une succession de bungalows et de villas. Hassan II a pris l'habitude d'y célébrer son anniversaire. Il est un peu plus de 14h, ce 10 juillet 1971, lorsque la fête tourne au cauchemar, sous les balles de 1300 jeunes élèves de l'école des sous-officiers des forces armées marocaines, la FAR, commandée par le colonel Ababou. Les cadets, pistolets et mitrailleurs au poing, font subitement irruption dans la résidence, sur le golf et autour de la piscine. François Bandol, correspondant pour l'ORTF, se trouve ce jour-là à Rabat. Il raconte la suite. Les troupes sont arrivées, ont ceinturé le palais royal de Skhirat, qui donne d'une part sur la route nationale, la nouvelle route nationale qui va de Rabat à Casablanca, et d'autre part sur l'océan. Et il y a eu un encerclement total, et par la mer, et par la route. Au début, tous les invités, tout le monde a cru qu'il s'agissait, comme moi-même je l'ai cru de ma villa qui n'est pas très loin du palais royal, d'un feu d'artifice, d'une fantasia. Et puis brusquement, tout ça est allé très très vite. Tout le palais a été entouré, et les soldats ont tiré à tort et à travers dans la foule. Oui. Et le roi, lui, se trouvait, avec un certain nombre de ses fidèles, dans une pièce à l'intérieur du palais, très centrale. Il était enfermé là, et au fur et à mesure, à l'extérieur de cette pièce, les troupes rebelles avançaient, mais avaient oublié de couper le téléphone. Et oui. C'est grâce à ça que le roi a pu rétablir la situation. Et lorsque les troupes rebelles sont arrivées près de la pièce, c'est toujours ce que m'a raconté le ministre de l'Artisanat, les fidèles du roi ont fait le cercle autour du roi, ont ouvert les portes et sont sortis les mains en l'air. C'est la Sûreté Nationale qui a pu, par ce téléphone qui se trouvait dans la pièce où se trouvait le roi avec ses proches, et qui ont pu dégager tout ça. La débauche de moyens développée pour le banquet du roi, étalage de homards, de foie gras, de caviar, le golf royal arrosé tandis qu'on rationne l'eau dans la ville de Rabat, les récents scandales financiers envenimant le royaume et la personnalité même du souverain, tous les ingrédients sont là pour le renversement du régime. Mais les témoins réchappant à la tuerie parleront longtemps d'un véritable déluge de feu, d'un carnage. Pour beaucoup, l'armée qui a agi ici est envahie d'une frustration des plus intenses depuis que, loin d'avoir à combattre le voisin algérien pour de nobles conquêtes territoriales, elle en est réduite à la répression auprès du peuple marocain qui s'insurge et manifeste parfois tout simplement à cause de la faim. De ce régime de nomenclatura, ils sont nombreux en cette année 1971, aussi bien dans le peuple que dans l'armée, à ne plus vouloir. Le premier recours pour le roi est d'insister dès le lendemain sur l'identité des auteurs du complot afin de montrer qu'à Skhirat, ce n'est pas le peuple marocain tout entier qui se rebelle contre son chef, mais simplement de jeunes cadets menés par des généraux. Vous savez, il serait très prématuré pour tout homme responsable de tirer les conclusions ou de faire des commentaires après que le délai ait été aussi court. Cependant, ce que je voudrais dire ici, c'est que je ne voudrais qu'à aucun moment dans mon esprit ni dans l'esprit de mes sujets, la bêtise de quelques officiers et la crédulité de 1300 hommes puissent entacher en quoi que ce soit la réputation des forces royales. Sur un plan personnel, eh bien, je tire la conclusion que quand ce n'est pas l'heure, ça n'est pas l'heure. Au demeurant apparemment banal, l'origine de cette archive venue d'RTL, Radio-Télévision Luxembourg, prend un éclairage quelque peu différent quand on se souvient qu'au même moment, la radio marocaine a déjà annoncé la mort du roi et que c'est Hassan II lui-même qui appelle Europe 1, RTL et la BBC pour leur faire cette déclaration. Isolement, solitude, la presse ne trouve plus assez de mots pour rendre compte de l'état dans lequel se trouve Hassan II. Pourtant, il n'est pas vraiment seul, puisqu'il garde à ses côtés ce personnage ombrageux du régime marocain, mais qui en est le deuxième homme fort à l'époque, le général Oufkir, son ministre de l'Intérieur, qui donne à présent sa version de l'attentat. C'était la fête de la jeunesse, tout le monde se trouvait à Sriracha invité, et à un moment donné, le palais de Sriracha a été investi par des hommes venant de l'école d'Ahamamou, sous le commandement du colonel Ababou. Le palais a été investi. Nous avons pu demander quelques renforts. Nous avons pu dégager le palais. Et ensuite, nous sommes descendus sur Rabat, où nous avons trouvé que l'état-major était occupé par les troupes qui sont venues d'Ahamoumou. La radio était occupée. Le ministère de l'Intérieur était occupé. Nous avons pu dégager tout cela. Et actuellement, tous les gens qui ont participé à ce complot ont été arrêtés. Et la situation est redevenue très calme dans l'ensemble du royaume. Le responsable de ce complot a été abattu lui-même, je pense. Il a été abattu à Radio Maroc. Et par qui ? Par la troupe que j'ai envoyée pour récupérer la radio. Est-ce que vous avez eu peur pour Sa Majesté le roi ? Ben, qu'est-ce qui n'aurait pas peur pour son roi ? Le roi n'a pas été touché du tout. Absolument pas. Le roi se trouve actuellement à Rabat. Et à ses militaires, quelle attitude avaient-ils avant ce putsch ? Vous les connaissiez ? Oui, je les connaissais. Ils avaient une attitude normale. Est-ce que vous aviez des indications ou non ? À vrai dire, franchement, non. Quels sont vos pouvoirs ? Ben, mon pouvoir, c'est de rétablir la situation. Actuellement, je suis en contact avec toute l'armée dans tout le royaume. L'armée est fidèle à son roi et la situation est normale et tous les comploteurs ont été arrêtés. Mais un épisode du complot, rapporté par le correspondant de l'ORTF, François Bandol, donne une autre dimension, pour le moins inattendue, à cet attentat. On avait amené, sous prétexte de manœuvre, 1200 sous-officiers. Et ces sous-officiers venaient là sans savoir ce qu'ils venaient faire. Et lorsque leurs chefs, qui véritablement n'avaient pas préparé cette affaire-là, les ont quittés au palais de Skirat pour aller s'établir dans la radio-télévision marocaine, ces hommes se sont trouvés face au roi et se sont mis à crier « Vive le roi !» et crier « Vive le roi !» parce qu'on leur avait dit « Nous allons à Skirat, le roi est entouré d'ennemis, il faut aller sauver le roi !» Et lorsqu'ils se sont trouvés là-bas sans leur chef et qu'ils ont vu le roi, ils ont crié « Vive le roi !» et le roi a posé une question à lui « Mais enfin comment ?» Un des hommes qui lui embrassait la main, il lui a dit « Comment tu m'embrasses la main et tu fais un acte criminel de ce genre, pourquoi ?» Et l'autre a dit « Mais je ne fais aucun acte criminel, on nous a dit, Majesté, que vous étiez en danger et nous sommes venus ici pour vous libérer !» Chapitre 5. Remettez-nous ça, patron. Selon le journal L'Express, Hassan suivra l'exécution des soldats à la jumelle. Mais malgré la terrible répression rapide autant que brutale, malgré une tentative d'autocritique qui suivra, malgré le référendum appelant à une révision constitutionnelle, un an plus tard, le 16 août 1972, le Boeing Royal, avec à son bord Hassan II, se fait tirer dessus, cette fois par 6 chasseurs de l'armée marocaine des F-5. Selon la version officielle, le pilote réussit à le faire atterrir en catastrophe, mais les F-5 reviennent sur l'aéroport pour le mitrailler. Cependant, Hassan II n'est plus dans l'avion. Car chacun sait que le commandeur des croyants est plus prompt que l'éclair, et le coupable est cette fois identifié clairement, grâce à qui ? grâce à Sherlock Hassan, qui débusque ce vil renégat d'Oufkir, décidément un bien vilain homme. Extrait de la conférence de presse donnée par Hassan II au lendemain de ce deuxième attentat. C'était au moment de ma tournée dans le sud, et je me trouvais à Agadir, et Oufkir me dit, tiens, il y a le président Kadhafi qui va se rendre à Nouakchott. Si seulement je pouvais savoir son plan de vol, qu'est-ce que vous penseriez si on lui envoyait un F-5, lui rentrer dedans en plein désert et revenir? Je lui dis, mais enfin, Oufkir, tu es fou. Il m'a dit, si, on fait le coup. Je lui dis, d'abord, il y a deux choses qui... D'abord, ce n'est pas pensable. La deuxième, supposant même que nous sachions son plan de vol, son niveau, sa route, et que nous l'atteignions, dis-toi bien qu'il y aura une enquête. On retrouvera des traces de balles, de roquettes. Les F-5, il n'y en a pas dans la région. Il n'y a que le Maroc qui dispose de F-5. Alors tu t'imagines immédiatement le scandale international que cela ferait. Piraterie en plein ciel contre un chef d'État. Deuxièmement, je lui dis, à supposer que ce sont là des mœurs qui ne sont pas dans les traditions marocaines. Oh non, c'est vraiment dommage. Si seulement je pouvais savoir. Je lui dis, Oufkir, je t'interdis formellement cette histoire. Quand j'ai vu l'escorte que je n'avais pas demandé, Dieu m'est témoin, et ma voix est enregistrée sur la boîte noire, j'ai dit à Kenitra, rappelez l'escorte d'urgence, je n'en veux pas. Immédiatement, mais comme dans un film, ou comme dans cette préscience de ceux qui vont être confrontés avec la mort, j'ai immédiatement la conversation d'Agadir m'est revenue en tête. Un régime qui profite, manipule et réprime à l'intérieur, mais sait aussi ménager des relations internationales qui le soutiennent. Demain, la suite de cette évocation d'Hassan II. Fatma Bint al-Hussein commence sa carrière dans les années 60, alors que Hajja Hamdouia règne sur la Raïta. Fatma est de loin moins libertine. Ses textes sont plus axés sur la religion et la morale. Elle deviendra très vite populaire, au point de rallier l'élite marocaine à ce style musical qu'il considérait jusqu'alors comme vulgaire. Elle influencera toute la nouvelle génération de jeunes artistes marocains, vedettes actuelles au Maroc. Fatma Bint al-Hussein chante « Relli Goualgoul ». Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de David Golan, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.